Lundi, le train 3-0, un 3 puis une bédaine. Hey, pour moi, le 0, c'est une bédaine. Une bédaine, bédaine, bédaine, bédaine, bédaine, bédaine, Ah! bédaine. Mais oui, lundi 30, lundi 30, lundi 30, ça tremble, hein? Sentez-vous la... Sens-tu le... Oui, ça sent, hein? Ça sent le générique. Spéciale dédicace à Daniel Marcoux, qui, à chaque semaine, place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Errance canadienne. Merci l'artiste. Monte le volume et hume la différence, c'est parti mon kiki, ça va tomber! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Thank you. To glitter when the sun goes down about 8 p.m. And in the evening, it's mayhem. She switches the brights up, lights up, gives me a call. Take me to the Firefly's ball. But when I get her there, set her there, do I get to pet her there and grab me some glow? No, she's a gad about, mad about, luring every lad about while leaving me moaning low. Oh, Firefly, Firefly, why can't I latch on to you, know how? Oh, how I love you, but gee, why do you set the night on fire, fly? Shine a little light on me, but when I get her there, set her there, do I get to pet her there? Grab me some glow, no, she's a gad about, mad about, luring every lad about while leaving me moaning low. Oh, Firefly, Firefly, why can't I latch on to you, know how? Oh, how I love you, but gee, why do you set the night on fire, fly? Shine a little light on, shine a little light on, shine a little light on me in the morning. Oh, yeah. Rabbit. Rabbit. Rabbit. Rabbit. Rabbit. Rabbit. Rabbit. Ça, c'est mon imitation de Kermit la Grenouille. On vient d'entendre Kermit la Grenouille avec Tony Bennett. Hey, on a-tu quelque chose d'intéressant à vous proposer à chaque soir, à chaque semaine? Puis là, vous sentez déjà au début, au prémisme, au premier chapitre, à l'épilogue, que ma voix, elle n'est pas la même. Que se passe-t-il, mon homme? Veux-tu venir me voir là, dans ta voiture? J'ai pas de voiture. Ben, veux-tu venir me voir? Ou, viens me voir. Ouh! Ben, viens. Monsieur Lennonade, viens, monsieur Lennonade. Hey! Qu'est-ce qui se passe à soir, mon Raymond? Moi, vous expliquer, c'est que j'ai un problème vocal. Mais c'est bon! Là, j'ai donné mon nom. J'ai donné mon nom pour faire de la radio un peu plus. Tu sais. Ben, si tu t'en vas dans cette radio-là, tu dois pas dire tu sais. Faut dire tu sais. Alors, tu sais. Tu sais quoi? Tu sais que je sais. Que je sais quoi? Que j'ai un mal de gorge incroyable. Mais pas uniquement ça. Et là, bien sûr, je m'amuse à jouer dans les basses parce que normalement, je suis dans les hautes, mais je suis pas capable de monter dans les hautes. Et cette nuit, comme je dors pas beaucoup, je vous ai dit que mon grave problème, quand je dors pas, pas ton intelligence, là, exagère pas, mais en tout cas, j'ai des vents dans ma tête. J'ai des vents dans ma tête. Comment ça, il n'y a pas d'écho? J'ai des vents. J'ai du vent dans ma soupe au pois. T'en as pas encore? Attends un petit peu. Normalement, là, le vent dans la soupe au pois vient après le fait de l'ingurgiter. Alors, tu prends un bon bol, là, comme un Québécois. Hey, c'est bon comme émission, là, actuellement. Là, vous jouissez, mademoiselle. Là. Madame, vous vous dites, « Hey, j'espère que cette voix-là restera invitable par man. » Moi-même, et là, c'est là que mon idée première, là, la soupe au pois, on va peut-être laisser passer la chose. On va, Simone, laisse passer la soupe au pois. Laisse passer. Pois par pois, on a du temps. On a du temps, si tu veux les nommer, parce qu'elle, là, sa grande maladie, ben, c'est pas une grande maladie, c'est une maladie, sa maladie, c'est de nommer toutes choses. Alors, poids par poids, là, puis elle va les distinguer, là. Si vous revenez avec un autre poids, elle va le reconnaître, puis elle va lui donner le nom qu'elle lui a octroyé au début. Elle est comme ça, on l'aime comme ça. On l'appelle pas souvent, mais quand elle vient, ben, on l'accueille parce qu'elle est chaleureuse, elle est gentille, puis elle nous fait des bons petits muffins au chocolat avec des petits amours à l'intérieur. C'est quoi tes petits amours? Mais là, on dira pas sa recette, là. Si elle veut vous la dévoiler, on va lui demander. Mais là, c'est pas le propos. Oh, t'as une voix vraiment? Je sais. Là, je maintiens. Et pendant lorsque je dormais pas cette nuit, la nuit dernière, parce que cette nuit, je dormirai pas non plus, je dors jamais, une opération à la gorge, ça se fait, ça? Si vous avez un bon... Est-ce que c'est un otorino la gorge... Un otorino la gorge... Qu'est-ce que tu veux surlutter? Est-ce que c'est un otorino la gorge... C'est la dernière phrase. Un otorino-laryngologiste, larynx, hein? Écoutez, on n'est pas des imbéciles, on a bien l'air des bons vins, hein, au sous-sol, on a l'air des caves. Parce qu'au Québec, un cave, c'est un imbécile, c'est un crétin. Alors, on a peut-être l'air d'un cave, mais au moins, on a dans nos sous-sols de l'excellente cuvée. Et puis là, c'est pas de cuvée que je vais vous parler, ni de soupe au pois. Puis la dame, elle peut vous nommer chaque pois, ça je le sais. On vous l'a comme dit, oui. Et puis, ah ouais, c'est ça. Est-ce que je peux avoir une opération à la gorge? Bon, là, il y a des gens qui vont dire, c'est comme pour les yeux, hein, monsieur Gagné, oui. Monsieur Gagné, oui. C'est vous? Ben, il me semble que oui, là. Mais vous êtes pas le même. Ben, je suis pas le même. C'est juste la voix qui est comme descendue, là. Et puis, là, je m'en occupe actuellement. J'avais le goût de faire la radio avant-hier, mais je pouvais pas parce que j'étais pas seul. T'étais pas seul? Tu étais avec? Non, on vous voit quand je dis que j'étais pas seul. Vous étiez avec? Ben, j'étais avec moi-même. Allô? Bonjour, bonsoir. Non, mais j'étais avec moi-même et je voulais pas me déranger. Ça m'arrive souvent que moi-même, on s'auto-dérange. Puis quand on s'auto-dérange, il faut être prêt mutuellement à ce chaos. Bon. Puis là, OK, on va essayer de vérifier si le chaos peut monter plus haut. Un peu chaos. Parce que j'ai placé, et je vais pas vous dire, ben oui, comme j'ai du vent qui me descend dessus, Pas dessous, parce que je pense que c'est le vent qui... Et ça faisait comme tout le temps un silage. Donc, j'ai mis un petit bonnet. Pas moi, mais le micro. En fait, c'est un condom de micro. On ne sait jamais ce qui peut arriver en spectacle. Là, on est en prestation, puis j'ai une voix quand même qui... Puis il y a des jeunes filles ce soir qui n'étaient pas là la semaine dernière. Et bon, lorsque j'ai signalé que j'allais faire mon émission, parce que je sors dans la rue en homme sandwich... 15 minutes avant la représentation pour dire bonjour, bonsoir, surtout bonsoir parce qu'il fait noir. Bonjour, ça c'est pour les gens que je vois un peu plus allumés puis que je veux pas trop déranger dans leur cycle extrême. Parce que s'ils sont dans un cycle extrême, dans un cycle extrême, il ne faut pas les ramener à la réalité. Ce n'est pas important, ça, la réalité pour ces gens-là. Pour bien du monde, ce n'est pas important, la réalité. Puis c'est bien de le savoir. Donc, bonsoir, c'est Rénal Gagné. Vous êtes à Errance Rénaldienne. Je ne suis pas son frère jumeau. J'ai simplement comme un coup de corde vocale. J'ai joué de la harpe et puis je me suis harpé la corde. Et donc, depuis tout à l'heure, je vous pose la question. Puis vous pouvez m'écrire, s'il vous plaît, si vous connaissez la réponse. Écrivez-moi à Rénal Québec, RAYNALDQUEBEC, à commercial, hotmail.com. Peut-on se faire opérer pour avoir un octave plus bas ou deux octaves? Sans doute que les grands chanteurs, là, les grands ténors qui perdent un peu la voix, on peut leur, un peu comme une guitare, là, vous savez, le bigoudi qui est au-dessus, là. C'est pas un bigoudi, c'est quelque chose qui redresse la corde. Ben oui, comment t'appelles ça? C'est un même, monsieur. Moi, hey, je suis très, très, très, très intimidé parce que j'ai joué de la guitare classique. Oui, ben oui, madame, mademoiselle, j'ai joué de la guitare classique, mais ça n'a pas très bien fonctionné pour moi. La guitare ne m'aimait pas, puis moi, je l'aimais, ma guitare, parce que je sentais que nous étions en interrelation, mais l'inter n'était pas avec moi, donc j'étais en uni pour la vie, mais unidirectionnel, donc l'autre direction, la guitare, l'avait pas. Puis moi, je l'adorais parce que, ben, c'est ça. Hey, t'es pas cloué! Non, je suis pas cloué. C'est parce que je veux pas trop dévoiler pourquoi j'aime la guitare. Au même titre que j'adore. Hey, toute la soirée, toute l'après-midi, aujourd'hui, j'écoutais Philippe Catherine dans son album Studio avec des titres comme « J'adore passer les gens. » Toutes les VIP. « J'ai mon VIP. » Je roulais sur mon scooter. Puis là, je sais que c'est les derniers soubresauts du scooter. Parce que non, il va pas s'éteindre, lui. Mais on pourra pas l'utiliser l'hiver parce que j'ai essayé des skis. Puis comme je suis très vite sur mes skis, le scooter est moins vite que moi. Et quand je prends le virage, lui, il veut pas le prendre. Puis moi, j'ai déjà pris. Fait que je suis au-dessus de mon scooter. Puis l'intérêt de ne pas être au-dessus de son scooter, c'est comme une communion, là. Hein? Tu peux pas dépasser l'engin que tu conduis. Ça, je l'ai appris très rapidement. Lui, il n'a rien saisi encore de cette interrelation-là. Lui, ce qu'il veut, c'est de rouler. Moi, ce que je veux, c'est de rouler, mais avec lui. Pas sans lui. Puis si lui n'est pas là, je sais que je vais prendre une dérape, puis ça fait quelque quoi, 8-9 mois que j'avais pas de frein à un moment donné. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire? Mon scooter, avant, qui a pris en feu. Vous écoutez pas l'émission. Vous êtes pas des fidèles. Fidèle humaine, vous avez le choix de l'être ou pas l'être. Je sais pas, non. Je vous comprends. Il y a tellement de choses qu'on passe à côté dans la vie. Puis c'est pas si important que ça que dans notre vie. Tu sais, je viens de dire deux fois vie. Et là, je n'ai pas nommé Gisèle Flavy. Qui est Gisèle Flavy? Qui est Gisèle Flavy pour monsieur n'importe qui se trouve dans n'importe quelle raison dans un endroit inapproprié? Qui est Gisèle Flavy? Pour les connaisseurs d'Errance Rénaldienne, ils le savent très bien que c'est une voyante. J'ai dit une voyante. Puis je pense qu'elle fonctionne sans boule, elle. Elle, là, c'est dans sa tête, elle voit. Elle voit des choses. Bon, là, vous allez me dire, Rénald croit aux voyants et aux voyantes. Je crois pas aux voyants. Je crois aux voyantes. Et Gisèle Flavy, pour ceux qui connaissent l'histoire, je vais radoter. Pour les autres, 99.999, je me suis rendu compte que Clémence Desrochers, en sens, a fait des spectacles. C'est terminé pour elle, mais elle faisait des spectacles. Et son dernier, à 80 quelques années, elle a dit, elle a demandé aux gens qui étaient dans la salle de lever la main pour savoir lesquels venaient la voir pour la première fois. C'était la majorité. Donc, je me dis que si vous m'écoutez, vous êtes une majorité à venir syntoniser CKRL, qui est la première radio associative francophone au monde. Et ce que je voudrais demander à CKRL, c'est de me faire de la publicité. Je veux dire, si elle tient à ce que j'enregistre des pubs pour n'importe quel produit, je suis là, mais j'ai un mal de gorge là, qui durera je ne sais pas combien de temps. Mais je pourrais aussi me pratiquer, et c'est là l'intérêt, de me briser la voix, de me casser, on dit, en France, on dit casser la voix. Casser la voix, bon, Bruel, casser la voix. Mais je pourrais me casser la voix. En cassant la tête, bien sûr, de bien des gens qui vont m'entendre crier pour que je me casse la voix. Rappelez-vous, madame, lorsque vous aviez votre gamin qui était au hockey, au baseball, et vous étiez là, sur l'estrade, en train de crier. Tu criais. Puis le lendemain, t'avais plus de voix. La voix était cassée. Puis là, tu disais, oh, comment je vais fonctionner ce soir? En plus, non pas ce soir, mais cet après-midi, ce matin, je travaille, moi, je réponds au téléphone. Imaginez-vous, quand je vais dire aux clients, bonjour, c'est Manarémi, bonjour. Pardon? C'est Manarémi, bonjour. Pardon? C'est Manarémi, bonjour. Pardon? Et j'ai mal de gorge, aidez-moi. Vous avez composé le numéro de téléphone, vous le savez. Et on dirait un dédoublement de personnalité, hein? Hein, c'est comme dans, pas psychose, dans exorcisme. Ça fait peur, exorcisme. Qui a pas peur d'exorcisme à soir, là, hein? Fermez toutes vos lumières, là, parce qu'il y a des éclairages. Ah ouais, ben là, vous avez un éclairage, vous avez votre chum, hein, mademoiselle, votre chum, votre copine, bon, un entourage. Enlevez tout le monde, placez-vous dans un endroit clos, fermé, avec ma radio, à m'écouter. Et vous allez vous sentir totalement envoûté, vous allez avoir peur. Mais votre but, c'est d'avoir peur. Les gens qui écoutent des films d'épouvante, je trouve aucun plaisir à regarder un film d'épouvante, hormis. Non, c'est to be or not to be. Mais moi, c'est hormis or not to be. J'ai droit à mes conventions. J'ai droit à mes décorums. En tout cas, j'ai droit. Ai-je le droit? Pas si certain que ça. De moins en moins. Dites-vous que plus on s'en va, comme disait Jean Lapointe, on s'en va plus loin. Puis plus... Là, c'est plus Jean Lapointe qui dit ça, c'est moi, là. Lui, c'est... Je m'en vais plus loin, je m'en vais plus vite, mais en même temps, je m'en vais. Il y a un an déjà, je te disais, me v'là. Mais là, je m'en vais plus loin, je m'en vais, tu me rends au bout de mon chemin. Car le chemin que j'ai choisi sera peut-être plus long que ma vie. Ça, c'est bien, là. Parce qu'on a une visibilité dans la vie. On veut aller, comme disait Jean-Pierre, un peu plus haut, un peu plus loin. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je le ferai pas. Non. Je l'ai fait pour Jean Lapointe, là, mais je vais vous épargner. Même avec ma voix rauque, il faudrait que je la prenne basse. Un peu plus haut. Un peu plus bas. Mais non, quand t'es en bas, t'es pas en haut. OK, merci. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux te tenir la main. Mais dis-moi comment t'es là-haut. Prends mon bras et tiens ma main. Encore un pas, un petit pas. Encore un saut et je suis là tantôt. Si tu ne tombes pas, non, je suis sûr. Tu ne tombes pas dans la fissure. Je suis sûr que tu... Non, hein? Fissure, je suis sûr. Ça, c'est de la rime, là. Comme Clémence. Je suis sûr que tu ne tombes. C'est pas dans les textes de Jean-Pierre Ferland en passant, là. Ça, c'est de l'improvisation ferléenne. C'est sûr, je ne tombe pas, c'est bon. Je la ferai pas, non. Je l'ai faite au début, là, pour vous montrer que je pouvais la faire. Mais là, j'ai le bras engourdi, c'est le bras gauche. C'est-tu un attaque cardiaque? Vais-je mourir en pleine émission? Comme Molière aujourd'hui? Non, non, c'est pas moi. C'est Molière. Et ma blague, ça vient de Molière, bien, c'est certain que moi, j'ai des... Écoutez, je suis un sac à blagues. Non, tu es un sac à... À quoi? Tu es un sac à marcher dessus. OK, t'es gentil. Non, vous voyez. Alors, vous êtes gentil. Vous voyez, mais bien sûr, dans la hiérarchie la plus haute qu'il soit. Bon, alors, vous êtes quoi? Vous êtes un bêcher, un durcher, un morcher, un écorché? Je suis un écorché vif! Ouais, vous êtes une petite merde. Non, un écorché vif. Mais en même temps, toutes les merdes sont pas nécessairement écorchées vives. Écorchées vives. Bon. Là, je sais que je viens de faire pleurer au moins trois quarts de la population qui se dit « Moi aussi, je suis un écorché vif, puis je suis pas une merde! » je le sais, mais lui, ici, les gens qui se vantent, c'est comme un pan. Un pan, l'oiseau le pan. L'oiseau le pan. Pas le pendu. Non, lui, c'est plus un oiseau, là. C'est. Il devient une hirondelle. Il s'en va vers le ciel. Contempler la vérité. Hey, c'est beau, ça. Merci, ça vient de moi. De qui? De moi. C'est qui, toi? Ben, c'est moi. Mais qui es-tu, toi? Ben, c'est moi. OK. Alors, on va commencer tranquille. OK? OK. Alors, tu es toi. Je suis moi. Alors, toi, tu es? Moi. Oui, mais tu as un nom, un prénom. Ah, oui! Ah! OK, vous voulez que je m'arrête sur ces artifices? OK, pour toi, c'est un artifice. Pour vous, c'est un artifice. Effectivement. Mais je suis Reynald Gagné. Oui, mais c'est moi, Reynald Gagné. Oui. Mais il y a plusieurs couches. Oh, OK! T'es quelle couche, toi? La couche supérieure. Ben, c'est certain. Là, t'es pas dans la couche soupe au poids, là. Hein? Pour les suivants, pour les gens qui ont suivi la soupe au poids, là, hein? Ils comprennent, là. L'autre n'est pas en train de nommer les poids. Non. Non, parce que, bien sûr, que là, l'émission pour elle est rendue trop difficile. Et puis, elle nous a quittés. Ben, pas pour la vie éternelle, là. Non, pour ce soir. Elle a eu une dure semaine, un mois quand même assez compromettant pour elle, quand même, fin d'octobre. Elle a eu des dossiers chauds. Puis elle aime bien les dossiers chauds, mais à un moment donné, quand c'est chaud, tu te brûles. Puis quand tu te brûles, ben, tu dois te reposer, tu dois laisser le tout. Oui, mademoiselle, exactement. Tu dois laisser le tout. Se replacer. J'allais dire mijoter, mais non, il faut l'enlever du feu. Là. Pas il faut le laisser à la température pièce. Et lorsque la température pièce est là et que l'esprit revient, donc tout reprend un peu son sens. Mais ça prend du temps. Mais nous, on doit rapidement happer le temps, parce qu'on a 48 heures. Dans une fin de semaine, normalement, c'est 48 heures. Donc, on doit synthétiser, on doit en profiter 48 heures pour être au travail disponible, mais en même temps, se dire que nous aurons une autre fin de semaine qui se pointera à l'horizon. C'est pas facile, la vie, là. Hein? En même temps, un peu. Mais c'est l'humain qui se la complique. Et comme nous en sommes un quoi? Un humain. Nous sommes des humains. Oui. Donc, on se la joue dur. Il y en a qui... J'en vois, moi, là, qui sont toujours sur le cocotier. Avec la paille, là. Puis tu sens la mixture dans le fond du verre. Puis ils sont tout le temps en train de saper le... Ils sont là. Puis ils écoutent de la bonne musique. Puis encore là, qu'est-ce que la bonne musique? La bonne musique est relative à chaque personne. Hein? Je sais que Lynn Rimbaud, elle, si elle n'écoute pas sa dose de je peux pas dire qui, elle se sent pas dans son environnement naturel. Puis moi, ben, si j'entends pas plusieurs chanteurs, plusieurs groupes, ben, je me sens pas dans mon fort intérieur, là. OK, dans mon petit fond, parce que moi, j'ai un petit fond. Puis quand mes toilettes sont bouchées, mais je prends mon petit fond. Non, c'est un siphon. Ah oui, mais mon siphon vient du petit fond. Oh! OK. Et puis, qu'est-ce que tu cherches? Ben, je cherche à m'en sortir. Je me cherche à en sortir. Hey, puis en même temps, ce que je voudrais vous faire entendre, et ça, je trouve ça incroyable, le film ça a été un film culte à sa sortie, surtout avec la mort du réalisateur, du monteur et du personnage qui a suivi le film. Mais là, le réalisateur n'a pas suivi. C'est lui qui a collaboré. Ben oui, mais il y a eu une mort. À la fin du montage, on va te le dire, là, rapidement. Le type qui a fait très peu de films, mais enveloppé ses personnages, ses comédiens dans son environnement, mais est décédé. Il est né en 28, il est mort en 99. Les yeux grands fermés, Stanley Kubrick. Thank you. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fears and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. She smiled. Only true love is all that I think of. Look here in my wallet, that's her. She grew up on a farm there. There's a place on my arm where I've written her name next to mine. You see, le 27 octobre. Le 27? Oui, il y a des insectes le 27. Comment ça? Il y en a plus que les autres jours de la semaine. Oui, mais le 27, ça dépend. Le 27 décembre, un peu moins. Oui, t'as raison, mais moi, j'ai comme bifurqué. ma tonalité, surtout ma lecture, a dérapé. Dans une errance? Dans une errance! OK, alors on te pardonne. Si on me pardonne, est-ce que je peux faire la chanson « Mon enfant, je te pardonne » Non, je ne suis pas certain que le public aimerait ça. Mon enfant... t'as pu. Un, deux, trois. Mon enfant, je te pardonne. Et monsieur, t'as pu, là. T'as menti dans l'octave, OK? Recommence. Mon enfant, je te pardonne. Reviens vite auprès de moi. Reviens vite que je te donne tous les baisers d'autrefois. Oui, OK. Alors, on t'excuse. Merci. Alors, aujourd'hui, le 27 octobre 2017, l'errance vous propose, comme à son habitude, une dérapante route. Mais la dérapante, là, je l'ai suivie depuis minuit. Puis là, à 41e minute et 20e seconde, j'ai vu la dérape. Bravo. Bravo, vous êtes... Je suis très observatrice, moi, monsieur Grenier. Gagné. Grenier. En tout cas, je suis très observatrice. Non, mais j'ai senti un peu, là, la tangente ne pas se soutenir elle-même. Donc, un peu comme elle a plongé. Vers le haut? Ben non, plonger, c'est vers le bas. Elle a plongé. Vous voulez mettre sur la sellette, vous, là, M. Grenier. Vous êtes un fin finot. Un fin tourmenté. Un fin qui... Vous voulez prendre tous les mérites du monde, M. Grenier. Vous êtes... Oui, merci, je suis. Amenez-la. Prendre un verre d'eau, pas de glace, là, bon. L'errance Renaine vous propose, comme à son habitude, une dérapante route afin d'abandonner pour quelques minutes vos valises trop lourdes qui souvent nous ralentissent dans notre quotidien. Alors cette nuit, tentons d'oublier notre boulot, nos embarras et tout ce qui s'ensuit. Et je me sens mal à l'aise avec cette application-là. J'aimerais plutôt dire aujourd'hui l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de mon ami Mathieu Cassimo. Mais ce petit Mathieu, très fin renard, s'est présenté avec sa copine, Carole Memoun, qui travaille sur le même projet d'une série web. C'est des comédiens, c'est des gens tout azimuts dans la création, mais je ne veux pas trop vous en dire parce qu'ils le mentionnent si bien eux-mêmes. Non, non, OK, vous voulez une preuve? Vous voulez des preuves? On est prêt à vous les dévoiler maintenant. The bumping, Rukas get the bumping. Who's that rocking? Got the border start jumping, blasting through high. No need for the booyah. A hammer with the one knuckle, I shot through ya. Step to the crowd, I feel the strain. Throwing kills in the mosh pit, feel for pain. So don't get in my way, baby. Because the weather local keep me here to play, baby. My shit will pump up a jam, hot damn. It's the baddest, tres delincuentes. Step into the madness. Que un andas muchacho, ahí vienes, te miro. Si me traes bronca, me loco de a tiro. Me paro, te tumbo, no es tu rumbo. Y con el lingo tal vez te confundo. It's the attack with the 5'10". The blacks again, once again, with the cocktail pen. As I emerge from the depths of the realm, my son, I got the black, yeah, that track, hope and run. Otra vez, ya lo ves, in the crew, somos tres. One blacks again, on the squad you don't test. Sitting hard like an Aztec, swift like a Zulu. That's what it's like with the punch shot through you. My manner is the miles till the punks get piled. My number one assassin flips the mad funk styles. Me, I play the back row, but I'm delinquente. This is how I kick it when I'm speaking to the gente. Gente. Delincuentes, tú no quieres lucha. We freak it this way, sigo siendo rey. OG freaks the beat, the mariachis play. Faded in, snap from me, yo soy 10. Produced in más mejor, it's OG style again. Freak it, bumping, bass out the carro. OG, he's got more boom boom than Charro. Third of tres, bring cuts to your face, bro. Hold down the needle with the penny or a peso. See all our style, used to create with one time. Portant des fleurs. grâce mélodie. Ça serait bien d'avoir le son peut-être ici comme bien ça. À côté de moi alors. Ah, ça serait bon. Non, non, il n'y a pas de mal. Merci. Je suis tout juste arrivé là. Du Québec? Oui. Ah ouais? Tout juste. J'ai mis les pieds à 11h15 et puis j'ai pris le bus. Puis après ça, j'ai pris le métro et me voilà. Et t'es là. Ouais. Et ouais, voilà. Puis là, je suis arrêté à mon auberge de jeunesse. D'accord. Pour planter mes choses parce que j'ai beaucoup de choses. Ben, beaucoup. Ouais. Pas tant que ça, là, parce qu'on trouve que je voyage léger. personnellement, je trouve pas, là, mais chacun, c'est quoi. Êtes-vous fumeur? Non. Parfait, ça va aller. Non. Okay. Non? Ancienne fumeuse? Moi, je fume de temps en temps, okay. Mais aujourd'hui, j'ai un peu mal au crâne. Dans tous les cas, je ne fumerai pas parce que ça va me... Ah, c'est dû à la soirée d'hier? Même pas. Okay. J'ai même pas bu. Ah non? C'est même pas ça. Non, des fois, c'est le tracas, c'est toutes les aléas de la vie qui font ça. Que... Ouais. Ouais. Mais je pense que ça ferait un petit coup de froid. J'étais en Grèce, moi, il y a 2 jours, okay. Sous 40 degrés. Oui, ah, oui, et mais ça là, paraît pas, hein? Ça... Moi, j'ai resté 5 heures sous le soleil et regarde le résultat, on dirait un homard déjà cuit. Sinon, Mathieu, pourquoi sur des sites internet, on utilise le mot de maths? Ah, est-ce que c'est volontaire ou... Ouais, oui, c'est volontaire, c'est une sorte de diminutif un peu, tu vois. Ouais. C'est, et c'est aussi pour... parce que les Anglais, comme je connais un peu des Anglais, des Nord-Américains, okay. Ils n'arrivent pas à dire Mathieu, ils disent Matthew. Mathieu. Ouais. Mathieu. Donc je préfère qu'ils disent Matt. Okay, ah oui, ok, ouais. C'est plus... Est-ce que tu vois souvent aux États-Unis? Non, je suis allé là il y a 2 ans. Et, okay. Mais du coup, en fait, pour la série qu'on fait, en fait, on essaie de tendre un peu à l'international Et là, l'intérêt, c'est de pour les États-Unis aussi. Des choses en place avant, mais oui, pourquoi pas, hein. Voilà. Hollywood, New York. Bah, on a déjà eu des petits, on a eu des sélections au festival là-bas, aux États-Unis, à Atlanta et à Los Angeles. Ok. Mais avant de planter le décor de ce que vous faites actuellement, toi, tu as fait une école. Ouais, moi, j'ai fait une école, l'école Claude Mathieu, le théâtre Claude Mathieu, qui n'est pas très très loin d'ici, dont Brigitte Boucher est professeure. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir jouer la comédie? Qu'est-ce qui m'a amené à vouloir jouer la comédie? Parce que... Avant, on va choisir ce qu'on va... Ouais, c'est une bonne idée. Bah, moi, j'ai pris... Tu veux se parler un petit peu? Ça va être un Perrier, je pense. Ça sera Badois. Ce sera Badois, alors. Pas toi. Je vais prendre un thé, s'il vous plaît. Un thé vert, si vous avez. J'ai vert, vermande, vert jasmin. Vermont. Moi, je vais prendre une limonade. Merci. Éclectique. Voilà. Oui. Non, on a alcoolisé quand même. En même temps, il est 15h, tu vois. Oui, c'est ça. Tu es peut-être décalé avec le décalage horaire. Comme je suis un travailleur de nuit dans le décalage. Ah bon, ça va alors. Alors là, tu as fait des études. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à la comédie? On était rendu là. Ouais, qui se m'a poussé peut-être à la comédie? Non pas de la comédie, mais qu'est-ce qui t'a amené à vouloir devenir acteur ou comédien? Moi je voulais être artiste déjà quand j'étais gamin, mais je voulais être dessinateur de bande dessinée. Oui, effectivement, c'est ce qu'on dit sur le site en question. Ouais. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui a bifurqué? Il y a un petit peu le fait que j'ai toujours aimé me donner en public. Ok. Étant jeune, tu préparais des pièces de théâtre pour montrer à tes parents? Non, mais j'aimais bien chanter, qu'on me regarde. Okay. J'avais beaucoup qu'on me regarde, tu vois. Okay. Beaucoup. Et en fait, j'avais un ami d'enfance avec qui on faisait des bandes dessinées, qui lui, en fait, commençait à faire des courts-métrages. Ok. Et moi, j'ai fait... Mais lui, est-ce qu'il a fait une école ou il faisait ça juste pour... Non, on faisait ça avec la caméra de son père et voilà. Super 8 ou déjà vidéo? Même pas. Vidéo? Enfin, vidéo. Okay, ouais, mais ouais, tu ouais. sais, c'était du tourné-monté. Oui, avec le magnéto. Puis tu ouais, voilà. Puis on voyait que les couleurs étaient quand même... Puis t'entendais action. Ouais. C'était mal monté. Ouais, c'était du tourné-monté, quoi. Ok, donc, alors tu arrêtais, puis là tu faisais un autre prise. Voilà, exactement. Okay, on faisait ça. Okay. Et on n'avait pas encore le logiciel de montage comme maintenant, donc... Et du coup, moi j'ai bien aimé faire ça, et puis j'ai toujours aimé le cinéma, et je me suis dit « Ah !» Lui il s'est dit « Ah, moi je vais devenir réalisateur », et moi j'ai dit « Ah, moi je vais devenir acteur ». Encore aujourd'hui il est réalisateur Et maintenant lui non, n'est plus du tout réalisateur, donc moi je me suis dit « Ah, je vais être acteur », et puis maintenant je me suis dit « Ah, je vais être acteur et réalisateur », puisque lui il veut pas le faire, alors moi je vais le faire. Ok, mais qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette école-là au lieu d'en prendre parce qu'il y en a tellement? Simple, en fait mon père avait une amie qui était comédienne, qui lui avait donné une liste d'écoles dans Paris, et elle avait mis des petites croix en fait pour les bonnes écoles et tout, et je tombe sur l'école Claude Mathieu, et il y avait une autre école aussi où j'ai visité deux écoles, et Claude Mathieu, je sais pas, j'ai vu Mathieu, c'est mon prénom, je me suis dit ok, il y avait l'appel du Mathieu, peut-être vous aviez le Mathieu, ouais. Et en fait je suis rentré dans cette école et je me suis dit c'est ici qu'il faut que je sois. Ok. Parce qu'une fois que tu t'es présenté là, tu t'es senti à l'aise. Ouais, tout de suite. C'est comme quand tu visites un appartement. Ah oui, c'est bon ça. Tu sais, dès les 90 secondes, première seconde, tu te dis si c'est le bon ou pas. Ouais, c'était la même chose. Tu sens que l'aura est présente. C'est pour qui la limonade, monsieur? C'est pour moi, merci. Un beau verre aussi, un beau verre. Merci. Bonjour. C'est merveilleux pour ça. Parce que le vin, il n'y aura pas de son de vin. Ah bah oui, ça s'appelle des moumoutes. Oui, exactement, c'est ça. Je sais pas comment on dit en québécois, ouais. Mais... on peut le dire aussi. Moumoutes, moumoutes. Oui, ouais, l'image est là. Ouais. C'est que l'image, donc il n'y a pas besoin de... Ça, c'est pour moi, ça. Hein. C'est la limonade, ouais. Pas toi. Et la limonade. Merci. De rien. Et donc, toi, qu'est-ce qui t'a animé dans cette école-là que les autres ne feraient pas? Tu veux dire quand je suis rentré là? Ouais. Déjà, ce qui était bien, c'est qu'il y avait beaucoup de professeurs. Alors maintenant, je sais pas combien il y en a, mais avant, il y en avait 14. 14 professeurs différents, donc il y avait plein de trucs. On travaillait sur la technique corporelle, la technique vocale, et puis on avait des cours de scène suivant les professeurs, on changeait. C'est combien d'années? 2 ans? 3 ans. 3 ans, OK. Ouais. Mais est-ce que c'est à temps complet ou si un étudiant peut travailler en même temps? Puis, En gros, tu as 12 heures de cours par semaine. OK, alors tu peux travailler. Tu peux travailler à côté. Moi, je travaillais à côté. Ah ouais, il faut. Ouais. Parce que c'est privé. Et puis, c'est moi qui ai. Et tu crachais. Ouais, voilà. Et du coup, je travaillais à côté, mais au final, t'as 12 heures de cours, mais t'as beaucoup d'heures de répétition à côté, parce qu'il faut beaucoup travailler, tu vois. Et moi, ça me faisait des semaines à 80 heures, tu vois, de travail. Mais les gens qui sortent de cette école-là, est-ce qu'ils sont nombreux ou... En fait, c'est une petite école, tu vois, on est 100 en fait par année, Donc en comptant toutes les promotions. T'as, je sais pas, une vingtaine d'élèves qui sortent chaque année, tu vois. OK, alors plusieurs s'éliminent automatiquement parce qu'ils ne se sentent plus à l'aise là-dedans? Il y en a qui arrêtent déjà. Okay. Il y en a beaucoup qui arrêtent. Il y en a qui arrêtent pendant le cursus, il y en a qui arrêtent après. La vie, quoi. Oh, oui. Mais surtout, les sous, c'est quand même assez... C'est un métier difficile en plus. Donc tout le monde n'est pas prêt à affronter ça. Parce que, en général, de faire du théâtre et tout, dans une école, c'est super. Et puis quand tu sors de là, c'est un peu... qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Ouais. Donc, il y en a qui ont de la chance, qui travaillent très vite. Moi, j'ai eu de la chance, grâce à Brigitte. Brigitte, elle t'a flairé, t'a reconnu. Elle m'avait mis sur un projet, en fait. Je suis parti en Suisse grâce à elle, en fait. Mais pourquoi toi? Parce qu'elle m'aimait bien. Il faut lui demander, je vais lui demander. Mais quoi, il y avait comme l'osmose, il y avait quelque chose qui se passait? Brigitte, en fait, j'ai fait mon audition où je suis rentré dans l'école. Ouais. Tout de suite, elle m'a apprécié. Elle m'a dit, celui-là est fou, il faut qu'il soit avec nous. Okay. Parce que personne ne voulait de moi, en fait. J'ai fait une audition, c'était nullissime ce que j'avais fait. Ah. Et le seul truc où je me suis distingué, c'est que j'ai chanté en italien, Le Barbier de Séville. Okay. Et Brigitte a fait, il faut qu'on l'ait. Il y a quelque chose. Ouais. Il y a quelque chose à faire avec. Alors que c'était tout pourri. Tout pourri. Tout le reste. Les scènes que j'avais travaillées, c'était catastrophique. C'est ça qui t'a récupéré. Ouais. Okay. Tu as montré ma vraie nature, tu vois. Okay. Alors, on pouvait voir là-dedans la polyvalence que tu pouvais avoir. Ouais, c'est ça. Alors, mais c'est vrai, autant chanter que jouer la comédie. C'est ça. Errance Rinaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. The moon is hanging in the purple sky. Baby's sleeping while its mother sighs. Talking about the rich folks. Rich folks have the same jokes, and they park in basic places. The priest is preaching from a shallow grave. He counts his money, then he paints you safe. Talking to the young folks. Young folks share the same jokes, but they meet in older places. So don't tell me about your success, nor your recipes for my happiness. Smoking bed, I never could digest those illusions you claim to have going. The sun is shining as it's always done. Carbon dust is a phase of everyone. Talking about the rich folks. The poor create the rich hoax, and only late breastfed fools believe it. So don't tell me about your success, nor your recipes for my happiness. Smoking bed, I never could digest those illusions going. Et qu'est-ce que tu as préféré dans cette école-là? Qu'est-ce que tu as pu développer et qu'est-ce que tu as voulu travailler? Écoute, moi, ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans cette école, c'est que c'était très... on travaillait beaucoup. Et il y a une vraie philosophie qui est induite par le créateur de l'école, qui s'appelle Claude Mathieu, qui est quelqu'un de très humain. Et tu vois, dans l'école, tu rentres en fait et c'est marqué, tu as une citation de Louis Jouvet qui est « Tant vaut l'homme, tant vaut le comédien ». Donc déjà, tu te dis, on est dans quelque chose de très humain. Tu as des pancartes avec écrit « Ici, droit à l'erreur ». Ah, c'est bon ça. Tu vois, ah, c'est bon. Et c'est ça, déjà, rien que sa philosophie. Et c'est un vieux monsieur en fait qui a maintenant plus de 90 ans. Est-ce qu'il est encore dans son école ou ouais. C'est... Ah, ouais, ouais. Okay. Et il est incroyable. Enfin, il est là à tous les cours, il va voir toutes les présentations. Il est passionné, il aime profondément les acteurs, les jeunes acteurs. Il a envie de leur donner toute la passion qu'il a. Et c'est un personnage... Enfin, si je dois vraiment retenir quelque chose de cette école, c'est lui, évidemment. Et toi, t'as fait la même école? Non, moi, j'ai pas fait la même école. Ok. Moi, j'ai fait l'école Carole, comme oui. Ça, avec mon prénom. Ok, ouais, non, ok. Ça n'existe pas. Je sais pas, c'est proche, oui. Oui. Non. Moi, j'ai fait deux autres écoles, en fait. J'ai fait l'atelier Blanche Salon, okay. qui travaille vraiment le jeu très naturel, Stanislavski, ah oui, okay. Le côté acteur studio et compagnie. Ah, oui. Et un autre qui est complètement beaucoup plus déjanté, où ça s'appelle le Centre des Arts de la Seine, et on travaille... Le Centre des Arts de la Seine. Okay, oui. Et en fait, on travaille le théâtre, le chant et la danse. et vraiment des techniques très différentes, que ce soit vraiment des choses vraiment du plus propre au clown, au mime, okay, oui, des choses assez corporelles, etc. On va travailler des choses beaucoup plus burlesques ou un peu plus folles, et surtout on nous pousse à écrire et à développer nos projets. Donc tous les trimestres, on est obligé de créer des cartes blanches d'une quinzaine de minutes et de monter un spectacle, de l'écrire et de monter un spectacle de 15 minutes tous les trimestres, avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis, donc c'est assez imposé. Imposé. Les gens ne sont pas forcément imposés, mais on ne se retrouve pas toujours en fonction de... En fait, ça se passe parfois par vote. Okay. Donc du coup, alors, des fois, en fonction des sujets qu'on veut, en fait, on se retrouve avec des gens. Ouais, ouais, bon, oui, voilà. Parce que déjà, tu te lis d'amitié avec d'autres personnes, mais c'est pas avec ceux-là que tu vas travailler. Pas forcément. Donc ça t'amène aussi à être ouvert à l'autre. Oui, tout à fait. Et d'accepter même les défauts que... Tout à fait. Parce que c'est... En plus, moi, j'ai commencé après une reconversion, donc j'avais déjà fait des études en marketing communication, j'avais travaillé en entreprise et je me suis retrouvée avec des gens qui sortaient du lycée, donc qui étaient plein de qualités, qui avaient plein de qualités, de bruit et qui étaient un peu plus jeunes aussi. Donc, mais un peu plus jeunes, ouais. On n'avait pas... Mais toi, tu avais un passé qu'eux n'avaient pas, donc voilà. Ils étaient encore dans la frivolité. Exactement. Et mais toi, tu étais terre à terre, entre guillemets, puisque tu savais un peu dans quoi tu t'embarquais. Voilà, mais ça m'a beaucoup appris justement, parce que j'étais peut-être un peu trop terre à terre et la frivolité m'a beaucoup apporté. Oui, aussi. Oui, c'est bien. Okay. Ça m'a permis de me détendre, complètement. Ouais. Ah, ouais. Et vous vous êtes rencontrés suite au projet que toi t'as amené? Oui. Mais on va pas déjà arriver là parce que c'est trop facile. C'est trop facile. Mais l'intérêt des... Est-ce que vous en parlez souvent de vos formations? Et puis, est-ce qu'il y a certains, en tout cas entre vous, est-ce qu'il y a l'osmose des deux qui se fraternisent ou si c'est vraiment différent? Non, c'est en fait... Moi, je crois pas. Enfin, évidemment, le fait d'avoir des formations différentes, bah, on a appris j'ai appris des choses qu'elle n'a pas appris, et inversement. Mais au final, on parle tous de la même chose. Oui. Et que ce qui prime, c'est, tu vois, c'est l'humain. C'est comme ce qui marquait dans son école. T'en veux l'homme, t'en veux le comédien. Enfin, c'est l'humain. Et nous, on s'est apprécié humainement et professionnellement. On a aimé ce qu'on faisait l'un et l'autre. Donc, c'est ça aussi qui a fait que. On s'est entendu dans le travail, quoi. Et après coup, lorsque vous travaillez ensemble, est-ce que arrivez-vous sur les mêmes, les mêmes points, ou si c'est divergent? Est-ce qu'il y a beaucoup de discussions? Est-ce que vous... Je pense qu'on s'est compris très vite avec Mathieu, en fait. Okay. Parce qu'en fait, on s'est rencontrés en tant que comédien sur au Manoir de Paris, qui est une maison d'horreur. Okay. Et il m'a parlé de son projet. Il y a combien d'années? Il y a 8 mois. Ah, ok, c'est tout récent. Ok. Et donc, du coup, il m'a parlé de son projet. On a parlé vraiment 15 minutes, à peu près 15-20 minutes pendant la soirée, vraiment de fin de ce projet-là, là, du Manoir de Paris. Et on s'est très bien entendu et en fait je me suis dit que j'avais envie de bosser avec lui, donc je lui ai dit j'ai une idée de scénario pour ta web série. Okay. Est-ce que tu as envie de l'entendre? Et il m'a dit bah vas-y. Et en fait on s'est tout de suite hyper bien entendu, en fait. Donc on a surtout travaillé ensemble jusque là. Mais toi, t'es sortie de l'école il y a combien de temps? Moi, au mois de juin. Ah, donc juin de cette année. Ouais. Et toi? Moi c'était en 2009. Ok. Donc, toi, tu as travaillé sur d'autres projets avant d'après ça? Ouais, mais moi, c'est un peu comme Carole, ça. C'est-à-dire que quand moi, je suis rentré à l'école Claude Mathieu, moi, on va dire que j'ai pris mon temps, en fait, si tu veux. J'ai redoublé mes... Ok, t'es resté là plus longtemps, mais volontairement. Quand j'étais au lycée, j'ai pris mon temps, j'ai pris une année sabbatique où voilà, j'ai fait des choses qui n'avaient rien à voir. J'ai été à la faculté, j'ai fait des lettres, enfin, du français, quoi, enfin... la littérature, et je suis entré à l'école Claude Mathieu, j'avais 23 ans, donc pareil, j'entrais et j'avais déjà un petit peu rouler ma bosse. Je suis entré avec des jeunes qui sortaient du bac Alors 17-18. Voilà, 17-18 ans, moi j'en avais déjà 23, donc j'étais un peu plus... Et toi aussi t'avais à peu près 23 ans? Moi j'avais plutôt 27 ans. Ok. Alors du coup c'était... Ça change un peu. Il y a presque 10 ans d'écart avec... Tu vois le conflit des générations, comme disait Jean-Pierre, il y a comme un conflit de générations et... C'est ça, et en même temps après, comme disait Carole, on se retrouve aussi avec les jeunes, mais enfin, parce que malgré tout... Même après, quand on sort des écoles, on travaille avec des jeunes, des gens plus jeunes que nous, plus âgés et tout, et c'est juste que voilà. Le troupe, c'est ça, hein, c'est plusieurs personnes. Ouais. C'est... Mais aussi, le jeu, c'est la vivacité. Donc les jeunes ont cette vivacité-là. Ah, ben, c'est l'effervescence, c'est l'énergie. Bien sûr, Oui, tout à fait. Puis même les personnes âgées, Galabru, même à la fin de sa vie, c'était un homme qui était encore possédé de. Ouais. Et c'est quand il sortait de son rôle et qu'il parlait à la télévision, là, tu voyais le vieil homme. Mais sinon, sur scène, c'était pas un vieil homme. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est fou comment le jeu peut transcender l'être. Comment... Ben, ça te transforme. Et tu vois, c'est assez dingue parce que même quand tu joues. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent témoigner là-dessus. Mais quand tu joues et que tu es malade, à partir du moment où tu joues, c'est fini. Ta maladie s'en va. Ah, c'est fini. Ah, ouais. Et après, tu sors de scène, tu te remouches. Ah oui, c'est vrai. Ben, Philippe Noiret, il était comme ça. À la fin de sa vie, il était très malade, mais sur scène, c'était terminé. Mais lorsqu'il s'en allait après la pièce, avec sa canne, il était très... souffrant, mais sur scène, non, c'était une autre personne. C'est comme Vincent Lindon aussi, tu sais, qui a beaucoup de tics. Oui. Quand il parle. Oui. Et quand il joue, ces tics disparaissent. Ben, il y en a un qui est assez fort. Comment? Celui qui joue Molière depuis 3 ans, Francis Perrin, Québec. Oui. Québec, oui, ben, à la télévision, à la radio. Mais quand il est sur scène, non, c'est fini, c'est terminé. Ouais. Mais c'est fou. Au cinéma, on l'entend pas. Je veux dire, peut-être parce que... parce que, il y a une magie, un truc qui s'opère. Mais c'est plus lui, donc c'est le rôle de son personnage. Ouais. Mais c'est quand même assez puissant, ça. Et c'est vrai, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est pour ça qu'on amène beaucoup l'art dramatique dans des maisons de personnes malades, souffrantes, dépressives. Tout à fait, Même... un peu, entre guillemets, arriéré ou un peu moins, moins comme tout le monde. ça aide particulièrement bien les autistes qui ont un problème dans le langage, dans la prise de parole, qui justement ont un monde incroyable. Et justement, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'artistes qui ne sont pas forcément bons pour s'exprimer. Souvent, jeunes, certains artistes ont eu beaucoup de problèmes d'élocution, qui ont réussi à travailler ce truc-là, et c'est devenu une force après pour leur, en tant que comédien ou en tant que... Je sais pas comment il s'appelle, mais j'avais vu une interview d'un gars qui n'avait pas parlé pendant jusqu'à ses peut-être 13-14 ans. Et il était autiste, il est toujours autiste, mais il s'est battu, et sa mère aussi s'est battue. Elle l'a déscolarisé, elle s'est occupée de lui, elle lui a fait travailler justement plein de trucs au niveau artistique. Et aujourd'hui, le gars, il joue dans des théâtres parisiens, etc. On ne pourrait jamais imaginer qu'il n'a jamais pu s'exprimer jusqu'à l'âge de 13 ans. Mais c'est fou. Alors, comment le jeu de comédien, comment prendre des rôles, choisir un rôle peut nous transformer, nous changer, nous amener ailleurs. Ouais. Et c'est pour ça que vous vouliez en faire étant jeune, parce que vous vouliez sortir peut-être de votre vie classique et prendre des grands personnages, des grands vivre rôles. D'autres vies aussi, quoi. D'autres vies, Thank you. besoin de la carte du club pour rentrer au palais mascotte. Les deux serveurs à toute épreuve calent les clients, calculent la note. Sur les miroirs peints à la gouache, des scènes de fête à serpentin, où des filles nues et des cocus, caricatures qui n'en sont plus. Deux musiciens statues de cire avec moumoute et lunettes noires jouent de l'orgamon et de la caisse claire en chantant un refrain dérisoire. Oh, la chanson du bonheur, tu la chantes à mon cœur. Y'a ceux qui dansent sur le parquet comme des montreurs de marionnettes. Déjà pas pour pauvres acrobates ou pour instituteurs en retraite. Et celle-là qu'elle a tous les soirs à faire valser ses longs cheveux noirs. 1m50 à tout casser, y compris les semelles compensées. Paysan en vadrouille, voyageur sans pudeur. Clin d'œil magnum dans le seau de champagne, un gros Popeye qui danse tout seul. Oh, la chanson du bonheur, tu la chantes à mon cœur. Voici venir Vera dans une fantaisie moderne, brésilienne en boa comme au temps des cavernes. Slip léopard, nichon qui bouge et des bourrelets en contrebas. Striptease foireux sous le plafond rouge, trois petits tours et puis s'en va. Oh, la chanson du bonheur, tu la chantes à mon cœur. Réalisation, ouais. Sur le tard ou en même temps avec l'école? J'ai toujours été passionné de ça, mais je voulais pas trop me l'avouer parce que ça me faisait peur en fait. Okay. Parce que c'est le fait de réaliser, c'est quelque chose où tu es. C'est pas que tu es seul, mais tu as quand même beaucoup de pression. Oui. Parce que tu dois gérer beaucoup de choses. Et moi, ça me faisait peur. Enfin, il faut que tu sois un leader, en fait. Ouais, ouais, ouais. J'avais peur d'être un leader. Et tu t'occupes de plein de choses aussi. Et tu t'occupes de plein de choses. Ouais. Tu t'occupes de l'artistique, tu t'occupes de tout ce qui va autour, de l'humain. De... Est-ce que tu joues dans tes projets? Pas encore. Ok. Je l'ai pas encore fait. Okay. Là, je vais le faire. Là, c'est un game, mais je voulais justement apprendre le métier de réalisateur, qui est un autre métier. C'est quelque chose. Hein? Et que j'ai pas appris. Ouais. Moi, j'ai appris sur le tas, en fait, quasiment. Oui. Mais c'est toujours une très belle école, ça. C'est la meilleure. Parce que normalement, tu te fais influencer par tes professeurs, mais là, ouais. C'est toi qui ouais. Essaye de trouver la façon de faire, et c'est dans l'erreur réussite que tu peux exactement. Monter ton projet, puis. Ouais. Faire ta propre. Avoir la façon que toi tu utilises, contrairement à d'autres qui eux vont avoir. Ils sont très dans les. Dans les ouais. Ah ouais, complètement. Très, ouais. Très cartésien. Ouais. Parce qu'on leur apprend de faire ça comme ça. Mais toi, comme tu ne sais pas, tu vas essayer. Et les échecs, tu vas peut-être les oublier. Tu vas prendre ce qui fonctionne le plus pour toi. Et qu'est-ce qui te dérange lorsque tu diriges les gens? Est-ce que tu veux les amener plus loin lorsqu'ils jouent ou En général, moi, quand je dirige, déjà, je fais des répétitions avant. Ok, oh, c'est ok. Je fais au moins 2 répétitions avant de tourner. Ok. Mais pas des répétitions forcément en espace, mais avec le texte à la main, où okay. On travaille sur le texte okay. Et tout. Je fais toujours ça. Et tu travailles pas beaucoup sur l'improvisation, c'est vraiment l'écrit. Je travaille aussi un peu, enfin, moi j'aime bien que mes acteurs soient libres en fait. Okay. Qu'ils prennent le texte, mais après ça, qu'ils se l'accaparent et qu'ils exactement, ouais. L'utilisent comme ils ouais. Veulent. Et par exemple, tu vois, je leur dis, moi si ce qui est écrit ne vous plaît pas, vous le changez. Je veux oh. Juste avoir l'idée. Puis c'est toi qui écris. C'est moi qui écris, okay. Ouais. Es-tu le seul à écrire ou si on est deux. J'ai une co-scénariste à la... Ok, et toi t'écris pas? Alors, si, mais en fait, là, pour la saison 2, on est 5 réalisateurs différents. Et donc, du coup, il y a 8 épisodes, mais du coup, il y a 4 épisodes qui sont faits par 4 réalisateurs différents et les 4 autres qui sont faits par Mathieu. Ok. Donc, du coup, chaque réalisateur a écrit son épisode et a réalisé l'épisode. Carole en a écrit un et réalisé un. Mais est-ce qu'on sent la saute? Est-ce qu'on sent la différence de réalisation entre... Bah, c'est l'idée. En fait, c'est ce que je voulais. C'est qu'il y a avoir des univers différents, des manières de faire différentes. Pour que ce soit pas que quelque chose de très de je voulais que ce soit éclaté ouais et que il y ait des façons de faire qu'il y ait des univers des imageries différentes, des références différentes, parce que moi j'ai beaucoup de références mais j'ai pas les mêmes que Carole et j'ai pas les mêmes que les autres et je voulais ça en fait, je voulais que ce soit éclectique quoi. Et la durée c'est de combien de temps? Alors pour la première saison on avait fait à peu près 5 minutes parce que c'était plus des exercices de style, okay. On va dire. Là on a vraiment écrit des vrais scénarios et ça dure à peu près entre 10 et 12 minutes. Sur 8... Par épisode. 8 épisodes de 10 à 12 minutes? Ouais. Ok. Ouais. Et ça parle de? Il y en a... Bah ça parle de tout en fait. Okay. Ça parle okay, de... Ok mais c'est pas une suite? En fait, comment t'expliquer? En gros, c'est une anthologie. Okay. Donc, c'est des histoires différentes. Chaque épisode égale une histoire différente. Alors, on n'est pas obligé d'avoir écouté l'émission avant pour comprendre ou pour s'y intéresser. Non. C'est comme la série La Quatrième Dimension. Ok, oui, Twilight Zone, mais la première. Twilight Zone. Première. Des années 50. Ouais. Okay, c'est un peu comme ça, ou Black Mirror aussi, ou Les Contes de la Crypte aussi. C'est, c'est un peu ça. Et puis c'est des histoires, on essaye de faire un peu peur, tu vois. Donc on va vers quelque chose de plus... C'est un peu surréaliste. Ouais. Okay. Ça, on va vraiment fantastique, surnaturel, on va vers ça. Et sans effets spéciaux? Si, il y en a. Ah oui, okay. Ouais. Ah oui. Mais on essaie de faire des effets spéciaux plus à l'ancienne. Okay. Tu vois, pas des. On aura un peu d'images de synthèse là. Mais par exemple, pour la saison 1, moi je voulais en fait faire des effets spéciaux, mais comme quand je faisais mes courts-métrages de gamin, pour avoir. Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce que j'aime dans le cinéma, c'est j'aime pas le cinéma actuel, en fait. Le cinéma d'effets spéciaux actuel, je le déteste. Okay. Je le conchis, même. Okay. et en fait, moi, ce que j'aime, c'est quand il y avait, des effets, ce qu'on appelle les practical effects, tu sais, où t'avais des marionnettes, t'avais... c'était réel, tu sentais que c'était réel. Et or maintenant, en fait, on te fout un fond vert et puis t'as des acteurs qui jouent... imaginez qu'il y a un dragon derrière, ok, d'accord, et puis... C'est pas vrai, quoi. C'est pas naturel. Et c'est pas naturel. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment... c'est la vérité. Ce que je recherche déjà en tant qu'acteur, c'est toujours la vérité. Okay. Et en tant que réalisateur aussi, c'est je veux le concret, le vrai, le ce qui parle, quoi. Et pourquoi ce style-là plutôt que le réalisme ou le naturalisme? Parce que ça me fait chier. Okay. En fait, non, si tu veux, on va vers quelque chose de réaliste. On fait quelque chose de réaliste. Mais on veut raconter des histoires qui ne sont pas des histoires bateaux que... des histoires dans un café, une fille qui rencontre un mec dans un café. Tu vois ça, surtout en France. Tout le monde fait ça, tout le monde fait de la comédie, tout le monde fait des trucs. Nous, on voulait faire des trucs plus originaux, plus avec les références qu'on a, évidemment, mais on voulait raconter des vraies histoires où il se passe quelque chose, tout en gardant le côté des thématiques qu'on va développer, puisqu'on a vraiment des thématiques différentes par épisode, des thématiques fortes, tu vois. Par exemple, Carole, toi, c'était sur la solitude. Okay. Remarque-moi aussi, il y avait la solitude dans un des épisodes que je faisais. Est-ce qu'il y a des fils qui reviennent, la solitude? Ça, c'est pas forcément. Chose qui revient... En fait, la thématique qui revient, qui est un peu la ligne, le fil rouge en fait pour tout ça, c'est le côté, déjà c'est l'ambiance. Et les réalisateurs, est-ce qu'ils essaient de se coller à l'ambiance que toi que tu as amené dans le premier épisode? Ouais, ouais. Ils ont leur propre ambiance, mais ils essaient aussi de coller à ça. Okay. La saison 1 a lancé justement cette ambiance. Et moi, je sais, quand j'ai écrit l'épisode, je l'ai pensé en fonction de ce que j'avais vu dans la saison 1. C'est ce qui m'a inspiré. Et après, voilà, j'ai essayé de me coller à, justement à l'atmosphère que Mathieu avait dégagée à la saison 1. Et je pense qu'on a tous travaillé dans l'épisode De telle sorte, ouais. Et puis à chaque fois, en fait, on a réécrit à chaque fois, on a retravaillé les épisodes ensemble, les scénarios ensemble. Et avec du coup aussi donc une co-scénariste. Aurélie Boivin, qui est ma co-scénariste. Okay. Qui a aidé tout le monde, je pense, sur chaque épisode. Ouais. Parce qu'on était un peu, Aurélie et moi, on était un peu aussi script doctor sur... sur par exemple le scénario de Carole Affaire, un autre scénario d'une autre réalisatrice qui s'appelle Maya Ousmitzkin, un autre scénario d'une réalisatrice qui s'appelle Virginie. Mais comment le noyau s'est formé? Comment les gens se sont groupés à ton projet? Bah, c'est, en fait, c'est... En orbite. Ouais, c'est un peu ça. Comment? En orbite, c'est... Ok, ah oui, ouais. Ok. C'est-à-dire que toi, tu as amené quelque chose et les autres ont dit « Ah, c'est bien ce que tu fais », donc ils se sont... C'est un peu ça, ouais, okay. C'est un peu ça. En fait, moi, j'ai commencé la saison 1 avec des amis... avec qui on partage les mêmes goûts cinématographiques et qui continuent à travailler sur cette saison-là. Mais on n'était pas beaucoup, on avait rien, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de matériel et presque. Quoi, les sous, qui produit le... Bah, la première saison, c'était moi. Okay. Avec, la première saison, il y a quoi? Il y a 1000 euros de budget sur 4 épisodes, tu vois, donc il n'y a que dalle. Et là, on a réussi à faire, on a lancé une campagne de financement participatif de crowdfunding. Ah, ouais. Et qu'on a réussi. Okay. Et du coup, qui nous a permis d'avoir. Votre objectif. Ouais. Ah, c'est rare. Ouais. Même un peu plus. Ouais. Et du coup. Et c'était quoi les promesses? Parce que si les gens contribuaient, c'était quoi? C'est d'avoir des films avant? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des affiches, des t-shirts, des DVD. Invitation à l'avant-première, les noms au générique. Ah, c'est bien, ça c'est intéressant. Pour invitation à assister à une journée de tournage. Ah, c'est bien, ça aussi. Plus tu donnes de sous, plus tu as plus t'as de choses en fait, ouais. Ah, ouais, ok. Et puis le projet, ça s'est créé tout seul. Les gens se sont greffés amicalement à ça. Et c'est comme ça que la suite a eu lieu. C'est ça, en fait, mais si tu veux. Lorsque tu as fini la première épisode, la première saison plutôt, ouais. Avais-tu l'idée de faire une deuxième? Ouais. greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Dollar in my hand and aching in my heart and my pockets full of sand. I'm a long ways from home and I miss my loved one so. In the early morning rain with no place to go, out on runway number 9, big 707 set to go. But I'm out here on the grass where the pavement never grows, where the liquor tasted good and the women all were fast. There she goes, my friend, she's rolling out at last. Hear the mighty engines roll, see the silver wing on high, see the silver wing on high. She's winging a westward bound, far above the clouds she flies, where the morning rain don't fall and the sun always shines. She'll be flying on my home in about 3 hours' time. This old airport's got me down, it's no earthly good to me, 'cause I'm stuck here on the ground, cold and drunk as I might be. Can't jump a jet plane, like you can a freight train. So I best be on my way in the early morning. So I best be on my way in the early morning. So I best be on my way. Si c'était une saison. Ah, l'été. C'est ma saison préférée où je me sens vraiment bien. Surtout en Grèce. Surtout en Grèce, mais même ici, c'est vrai que j'aime beaucoup j'aime l'été. Dès que je peux enlever ma veste, bon là il fait un peu frais pour moi aujourd'hui, mais ouais. Dès que je me sens bien, dès qu'il fait au moins 30 degrés, je me sens bien. Et toi? Ouais, je pense que je serais. Ouais, j'hésite parce que j'ai... en fait les 4 saisons me plaisent, mais je pense que ouais, je serais aussi l'été. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel. J'ai envie de dire. Bon, c'est vrai, mais on me dit souvent que je suis trop cérébrale. Ok. Je dirais la tête. La tête, ok. Et toi? Moi, j'allais dire quasiment la même chose, j'allais dire le cerveau. Oh. C'est pour ça que vous êtes ensemble. Ça doit bouillonner. Si tu étais un moment de la journée? Alors, je serais pas le matin. Ok, ah non, toi, t'es pas. Okay. Là, je serais le soir à partir de 22h à peu près. Ok, tu te couches très tard. Ouais, pas très très tard, mais je me sens. J'ai un regain d'énergie à partir de 22h. Ah oui? Sinon, t'es latent? Le matin, très. Après, ça dépend des jours, mais c'est vrai que j'ai. À partir de 22h, j'ai la pêche. Ah, et toi ? Bah, moi, je serai le matin. Justement. Ah oui ? Ah, ben voilà, ouais. Ok. Parce que, pourquoi ? Parce que je me lève très tôt. Et, tu couches très tôt ? Ouais, quand je dors la nuit, oui. Okay. Quand je dors peu, je me couche très tard. Non, quand je travaille beaucoup, oui. non, parce que on dit toujours l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oui, oui. Et du coup, j'y crois. Tant mieux si on croit à ces adages. Si tu étais un autre individu. Tu sais toi ? Ouais. Vas-y, réponds avant moi, je sais pas. Moi. Alors quoi si t'es moi je serais un sportif de haut niveau, un basketteur professionnel qui jouera en NBA. Pourquoi ? Parce que c'est j'aurais adoré. Ça aurait été si j'avais été plus grand, plus fort, ça aurait été mon rêve. Alors toi ? Du coup, c'est vrai que je pensais à quelque chose de plus spécifique, chercher une personne en particulier, mais du coup, oui, non, je dirais plus quelqu'un, enfin, je sais pas, qui fait de la socio ou qui voyage, qui fait de la socio, qui journaliste examine, un peu, okay, voilà, qui va étudier les peuples, tout ça, les groupes sociaux, à choisir. En Afrique. Ah oui, ok. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin ? Est-ce que je ferais le même chemin là que je fais maintenant ? Oui. Ouais. Pourquoi ? Parce que tu trouves que tout s'est bien placé et... Bah, disons que comme je l'ai dit, j'ai pris mon temps. Je suis content d'avoir pris mon temps parce que j'ai vraiment compris beaucoup de choses sur la vie, sur les êtres humains, sur beaucoup de choses. Et je pense que là où j'en suis actuellement, c'est à peu près... là où je veux aller et à peu près les rêves que ça suit à peu près les rêves que j'ai. Donc peut-être que je me trompe, mais en tout cas là où j'en suis maintenant, c'est ce que je me dis, je suis sur le bon chemin. Et toi ? Moi je regrette pas non plus tout ce que j'ai fait dans le sens où j'ai notamment ma formation, j'ai fait une école de commerce et tout, m'a permis de voyager, m'a permis d'apprendre aussi d'autres langues, m'a permis justement m'a appris aussi beaucoup au niveau professionnel, m'a professionnalisé parce que j'étais peut-être un peu artiste, mais je ne savais pas quand j'étais petite, mais j'étais un peu dans mes rêves, etc. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai appris un peu plus à travailler concrètement, à m'organiser, etc. Donc je ne regrette pas trop cette partie-là, mais à refaire, je ne le referai pas quand même, parce que ça m'a un peu cassé en fait. Alors tu as perdu un peu de temps là-dessus et ça te... Ouais. J'ai eu une petite période un peu justement où en fait moi j'ai compris tardivement que je voulais être comédienne. Okay. Mais qu'est-ce qui t'a amené à devenir comédienne ? Qu'est-ce qui t'a... En fait je m'ennuyais terriblement dans un précédent travail et j'avais réussi à organiser mes horaires donc je pouvais finir un peu plus tôt et je pouvais reprendre des activités. Et en fait il y a ce rêve qui s'est réveillé en moi mais que j'avais oublié pendant des années. Mais je faisais toujours du théâtre, je faisais toujours des shows à tout le monde. J'étais en soirée, je montais tout le temps. Enfin, c'est pas que je montais, inventer un personnage par soirée. Okay, t'as monté. Alors mes amis étaient morts de rire parce qu'ils savaient très bien, ils savaient que j'étais pas mythomane. C'était dans mon... Mais au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que je me perdais dans ce truc-là, que j'étais très caméléon. Et que tu te sentais à l'aise dans ce jeu-là. Je me sentais à l'aise dans ce jeu-là, mais jusqu'à un certain moment, je me suis dit, en fait, je me perds aussi. Ah oui ? Je me perdais dedans. Ok. Et ce qui est marrant, c'est j'allais justement, trop loin. J'allais trop loin peut-être. Et surtout en fait que j'étais jamais moi-même. J'empruntais ces personnages comme des carapaces pour pas montrer qui j'étais en fait. Et grâce au théâtre, justement, comme le disait Mathieu, c'est quand même, on nous apprend à être le plus sincère possible. Et dès qu'on est faux sur scène, ou dès qu'on est faux dans la vie, on est faux sur scène. Oui. Et moi j'étais très extravagante sur scène pendant longtemps et ça m'a appris beaucoup plus à me centrer et à beaucoup plus montrer mes émotions, chose qui n'était pas du tout naturelle pour moi et ça m'a beaucoup fait travailler. Mais donc du coup mon cursus précédent m'a permis de me poser aussi ces questions-là. Okay. Et de me trouver aussi. Parce que je me suis tellement plantée qu'à un moment donné, je suis revenue sur le bon chemin. Quoi. Donc, voilà. Mais c'est dans les erreurs que tu as aussi grandi et que tu ne referas plus peut-être cette... Et ça m'a permis de m'affirmer aussi par rapport à ma famille qui ne voulait pas du tout que je fasse... C'est rare que les familles disent « Ah, vas-y ma petite fille, comédienne, oui, t'as toutes les chances. » Ouais, voilà. C'est certain. Et est-ce que vous vous voyez dans plusieurs années ou si vous préférez focaliser dans l'instant présent? trouvez-vous ça difficile? C'est dur de se projeter. Après, bien sûr, moi, ouais. j'ai des rêves. J'ai envie de oui. voir vivre, d'arriver à vivre de ce métier. Mais est-ce que c'est difficile actuellement? Ouais, c'est assez difficile. Ouais. Ouais. C'est assez difficile parce qu'on est beaucoup à vouloir faire ça. C'est quand même des métiers qui sont très fermés. Oh toi, dis tout bas, on dansait, on dansait. C'était plutôt inhabituel. Alors bien sûr, j'en profitais. De bras en bras, les gens passaient. Ça n'était qu'un temps court pour se relancer et puis se remettre à danser. Parfois j'entendais quelqu'un m'appeler. Personne quand je me tournais. Au 22 bar ce soir-là, on dansait. Je ne sais plus pourquoi c'était, non. Pas plus que les gens qui dansaient. Si par hasard ils s'arrêtaient, ils sentaient de vieux décors se balancer, plusieurs fois manquer de tomber. Et du coup de bras en bras ils repassaient. Alors on se laissait aller au 22 bar ce soir-là. Parfois j'entendais quelqu'un m'appeler. Personne quand je me tournais. Au 22 bar ce soir. Chaque fois que je le voyais, je l'appelais puis me cachais. Après tout ce qu'il m'avait fait, j'attendais le bon moment pour l'aborder et sentir son sang se glacer. Ça prend du temps en plus. Et en fait, c'est ça, c'est que ça prend beaucoup de temps. Ça prend une vie peut-être aussi. Et ça prend une vie. Ouais. Et qu'on est dans une époque où on veut que ce soit immédiat, instantané, l'argent. Or, ça ne se passe pas comme ça. Ça met des années avant de constituer un réseau qui permet de travailler. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Quoi. Ben, avez-vous un plan B si ça ne va pas à votre rythme? Bah moi, non. Non. Moi, c'est tout. Enfin, c'est. Ça repose c'est là-dessus. Tapis. Repose là-dessus. Ça repose là-dessus. Ouais. Parce que, éventuellement, si vous voulez faire une famille, si vous voulez avoir des enfants, si vous voulez. Tu sais, on ne sait pas la vie, ce qu'elle nous réserve. Bah après, moi, c'est vrai que. C'est pour ça aussi que j'ai voulu être réalisateur. Parce que être acteur, c'est être dépendant, en fait, du désir de quelqu'un. Et ça, c'est très difficile à vivre. Et du coup, moi, c'est pour ça que je sais en fait que ma vie est faite pour faire du cinéma. je le sais. Alors je ne sais pas à quel niveau, est-ce que ce sera en tant qu'acteur, en tant que réalisateur ou scénariste, ou j'en sais rien. Mais je sais que je suis fait pour ça. Et c'est pour ça que tu veux toucher à tout, pour pouvoir à un moment donné me dire, être embauché dans plusieurs disciplines, voilà, histoire de ouais. pas attendre après le téléphone. C'est ça, et j'ai pas envie d'attendre après le téléphone. Et c'est vrai que là, depuis que j'ai décidé d'être réalisateur et auteur, ben, je travaille plus en tant qu'acteur finalement. Ah, c'est pas mal. Je travaille beaucoup en tant qu'acteur. Donc finalement, je me dis, bon, c'est bien. Finalement. Est-ce qu'il y a une rivalité entre vous? Pourquoi moi le téléphone sonne pas? Pourquoi est-ce que. Ou si. Bah non, non. Non, pas vraiment. Non, et puis déjà, on n'est pas. On n'est pas du tout même. On n'a pas commencé en même temps. Moi, c'est tout frais, quoi. C'est tout frais pour. Puis vous n'avez pas le même cheminement non plus. On n'a pas le même cheminement. Ouais, pas du tout. Donc. Donc, non. Puis. Enfin, moi, c'est vrai que je suis pas du tout dans le côté envieux ou jaloux. Au contraire, moi, si j'apprends qu'elle est prise dans quelque chose de super, je serais hyper heureux. Ouais, mais en sortant de l'école, est-ce qu'on vous prépare à quelque chose ou on vous laisse après puis bonne chance? C'est un peu ça. C'est ça, ouais, c'est un peu bonne chance. Ouais. Est-ce que vous suivez les autres étudiants qui ont sorti avec vous pour vous dire hey, pourquoi elle s'est rendue là? Pourquoi lui a décidé de changer de métier? Ouais. Bah, moi, par exemple, c'est vrai qu'à l'école Claude Mathieu, c'est une école très humaine et très humaniste. On travaille beaucoup avec des gens qui sortent de cette école-là. Moi, je travaille beaucoup, enfin, les acteurs quasiment que j'emploie sortent quasiment tous de cette école, tu vois, parce que je les ai vus jouer, je sais comment ils sont et je les connais. C'est des amis, en tout cas. C'est des amis aussi. Mais c'est vrai que pour ceux qui arrêtent, ceux que je connais de loin et tout, c'est vrai qu'il y a ce côté-là où on était à l'école Claude Mathieu et on se connaît quand même, tu vois. On a un truc en commun. Même si on ne s'est jamais rencontré, tu vois. Et ça m'est arrivé là il n'y a pas longtemps où j'ai rencontré une amie maintenant, alors que ça fait à peine un an vraiment qu'on se connaît, même pas quoi. Alors qu'on était dans la même école, qu'on était à des années différentes et qu'on ne s'est jamais parlé, et que hors école on ne s'était jamais parlé non plus, mais qu'il a fallu qu'il y ait un moment où on se rencontre. Et où on sait tout de suite, mais plus on a déliré tout de suite et c'est devenu une super bonne amie alors qu'on ne se connaissait pas avant, tu vois. Mais parce que je pense que voilà, le fait d'avoir fait cette école nous rassemble. Je pense que si je rencontre quelqu'un qui fait un autre métier mais qui a fait cette école, ça se sent. Il y a quelque chose où. Mais toi du groupe qui est sorti de la même année, est-ce qu'ils font toujours de la comédie? Est-ce qu'ils jouent? Y en a qui ont arrêté, il y en a pas mal qui ont arrêté. La majorité? Non, la majorité continue. Ok. Alors il y en a qui continuent mais difficilement. Il y en a qui continuent très très bien. J'ai un ami qui joue au cinéma là, qui commence à vraiment être un acteur qui vraiment va, je pense, faire une grosse carrière. Et puis d'autres aussi qui bossent très bien. Ça dépend. Moi j'ai l'impression, déjà, on le sait tous, mais c'est vrai que pour les femmes c'est beaucoup plus compliqué déjà. Et c'est vrai que moi j'ai vu beaucoup de filles de ma promo et tout qui arrêtent petit à petit parce que la vie fait qu'elles ne peuvent pas tenir ce rythme-là. Et que c'est difficile en plus parce qu'il y a ce côté où on est constamment, les femmes plus que les hommes sont constamment jugées par rapport à leur physique. Et que c'est difficile à accepter, quoi. C'est vrai que moi je vois qu'il y en a plus autour de moi qui ont du mal à suivre parce que c'est des femmes qui sont bonnes. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'est important de créer ses propres rôles aussi. Ouais. Et voilà, enfin, moi c'est vrai que justement, je sais que je par exemple pour tout ce qui est publicitaire ou des rôles, je vois très bien la typologie des femmes justement qui sont prises, des jeunes femmes qui sont prises au cinéma. J'ai pas le physique, j'ai pas le même physique, donc il faut réussir aussi à se démarquer. Et c'est via l'écriture, via ce qu'on est à l'intérieur qu'on peut se démarquer dans ce cadre-là. Mais même moi, tu vois, moi j'ai pas une carrière qui a explosé. Je sais à peu près. Presque je suis, mais je sais que je ne correspond pas non plus aux critères des jeunes de mon âge actuel. et que je me dis, bah, moi, si je veux réussir à rentrer dans ce sérail-là, bah, il faut que j'impose aussi moi mon univers et ma personnalité et mon style. Tu vois. Alors, ben, merci d'avoir passé ben, à toi. C'était fabuleux et je vous souhaite de passer à Québec. De... Bah, ce serait et, super. Et puis même, est-ce qu'on peut regarder ce que vous bien faites? Sûr. Okay. Ouais. Alors, tu peux donner le site de... Ouais, alors c'est sur YouTube. Ok. Et c'est Seltsam. Okay. S-E-L-T-S-A-M. Okay. Le nom de la série, c'est ça. Et les deux séries, la première série est là, la deuxième, ouais. Les quatre premières sont déjà présentes. Ce sera le premier épisode de la saison 2, sortira le 31 octobre, pour Halloween. Okay. Ah ok, ok. Alors il y a quand même un petit côté Halloween. Un petit peu, ouais. Better call. Who you gonna call?